Vous êtes chaud là? Vous avez envie de chanter un peu? Moi c'est pas vraiment chanter, c'est plus gueuler. T'as envie de gueuler un peu? Alors c'est bien. Alors j'ai un truc pour vous. J'ai un truc pour vous. Alors voilà, je vous explique le principe. À un moment là, dans le refrain, il faudrait que vous gueuliez comme ça, tout bourré! Alors je vous montre ce que ça doit donner. Ce soir Bébert sera encore le premier tout bourré, tout bourré. Ce soir Bébert sera encore le dernier à rentrer, tout bourré. On essaye avec vous pour voir si vous êtes dessus. Ce soir Bébert sera encore le premier tout bourré, ce soir Bébert sera encore le dernier à rentrer, tout bourré. C'est formidable. Alors c'est parti pour de la vraie. Alors on compte sur vous. Parce qu'on enregistre un live qui va sortir prochainement, donc c'est en train d'enregistrer tout ça, il y a des micros partout, alors faut assurer. Bon, c'est pas vrai, mais ça aurait très bien pu être vrai. Attention. Ce soir Bébert sera encore le premier tout bourré, ce soir Bébert sera encore le dernier à rentrer, ce soir Bébert sera encore le premier tout bourré, ce soir Bébert sera encore le dernier à rentrer. La copine de Bébert, elle est complètement hystérique, chaque fois elle est vénère. Quand elle voit pitcher notre loustique, alors obligé il se cache pour se mettre minable. Il ferait mieux pour qu'elle le lâche de jouer carte sur table. Au lieu de ça, monsieur picole, picole et repicole. Bien sûr, madame, à la maison devient encore plus folle. Ce soir, Bébert sera encore le premier tout bourré. Ce soir, Bébert sera encore le dernier à rentrer. Ce soir, Bébert sera encore le premier tout bourré. Ce soir, Bébert sera encore le dernier à rentrer. L'autre jour, elle nous l'a suivi et lui a fait un sketch. Bébert au bar l'a pas vu venir, trop fin rond à la couette. Elle lui a fait la scène des scènes, Bébert a rien compris. Pendant ce temps-là, nous on se marrait comme c'est pas permis. Pour le prendre en flag, la maline s'est approchée doucement. Bébert, le coup de levé, sifflait sa gnôle, le goût lui ment. Ce soir, Bébert sera encore le premier tout bourré. Ce soir, Bébert sera encore le dernier à rentrer. Ce soir, Bébert sera encore le premier tout bourré. Ce soir, Bébert sera encore le dernier à rentrer. Ça ne s'est pas fini, tristement, je ne vous ai pas tout dit. C'est en sortant du bar que c'est parti en vrille. Elle l'a chopé par la casquette en lui criant « Tu vas voir !» Nous on les regardait par la fenêtre, inquiet pour notre lascar. Elle hurlait comme un veau, le pauvre Bébert n'en pouvait plus. N'a pas eu le temps de se retourner, qui lui vomissait dessus. Ce soir, Bébert sera encore le premier tout bourré. Ce soir, Bébert sera encore le dernier à rentrer. Ce soir, Bébert sera encore le premier tout bourré. Ce soir, Bébert sera encore le dernier à rentrer. Ce soir, Bébert sera encore le premier tout bourré. Ce soir, Bébert sera encore le dernier à rentrer. Ce soir, Bébert sera encore le premier tout bourré. Ce soir, Bébert sera encore le dernier à rentrer. Exactement!